Avec la franchise, devenez votre propre patron. L'opération Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous, initiée par la Fédération française de la franchise, est organisée du 9 au 22 octobre. Thierry, franchisé dans le secteur des fleurs. J'ai choisi de rejoindre un réseau de franchise. Sa notoriété, sa communication nationale et les supports marketing m'ont permis de développer rapidement mon activité. Je suis un commerçant indépendant, mais pleinement actif dans la vie locale. J'échange régulièrement avec d'autres franchisés du réseau. L'humain est au cœur de notre métier. C'est une richesse au quotidien. Changez de carrière avec l'opération Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous, du 9 au 22 octobre dans toute la France. Plus d'infos sur entreprendre-franchise.com. Une opération menée avec le soutien de Gain Assurance.